padre. J'écris le ventre noué, je pense à haute voix. Donc si tu me vois parler solo, ne t'inquiète pas. C'est mon côté alone, c'est un attentat. Selecta, mixe-moi, chica, ne m'attends pas. C'est toujours pour mes potes enfermés. C'est toujours pour ceux qui veulent faire mieux. Basket usé, poche trouée. Eux ils ont des parachutes dorés. Ici le seul truc est tort, c'est le silence. Espoir égale déception, égale violence. Égale larmes ensanglantées. Le chétan s'est présenté, j'ai dit enchanté. Les dés sont jetés, les chants sont déchantés. J'ai discuté avec ma spiritualité pour savoir si ma donne paie actualité. A moi tout seul, je suis doigt comme Kappa. Ils me croient fou car ils ignorent de quoi je suis capable. Ha! Rap de missionnaire, visionnaire, pas démissionnaire. Garde en vie son air, solidaire, mais en solitaire. C'est pour les petits frères, les grands frères qui portent les courses, la daronne toi revient de Lidl. Rap de missionnaire, visionnaire, pas démissionnaire. Dans vie son air, solidaire, mais en solitaire. C'est pour les petites sœurs, les grandes sœurs qui ont la valeur des choses et deviennent des modèles. Hey, on m'a dit c'est la vie, accepte, j'ai répondu tu délires. L'amour n'est pas rentable, j'ai dû commettre des délits. On m'a dit encaisse et tiens bon, l'espoir fait vivre. Mais dites au prof de morale qu'Enzel des ivres. Qu'espoir égale déception égale violence. Écoute introspection, tu sauras comment je pense. De l'innocence, NZ n'en a plus. De la naïveté, Berthelin n'en a plus. L'être humain est malhonnête, regarde les prophètes. On va me trahir comme si je venais de Nazareth. À la base même Judas c'est un apôtre. Qu'est-ce tu veux qu'elle padre attende de l'autre. C'est sûr et certain, c'est foutu si je tends la main. Quelqu'un va me la serrer en se disant je te la mets. Malgré tout je suis un leader, ha. Solidaire mais en solitaire. Rap de missionnaire, visionnaire, pas démissionnaire. Garde en vie son air, solidaire mais en solitaire. C'est pour les petits frères, les grands frères qui portent les courses, la daronne toi revient de Lidl. Rap de missionnaire, visionnaire, pas démissionnaire. Dans vie son air, solidaire mais en solitaire. C'est pour les petites sœurs, les grandes sœurs qui ont la valeur des choses et deviennent des modèles. Je vais vous dire un truc. D'habitude, bah les flics ils sont tellement abrutis que ça leur prend 3 mois avant de réaliser qu'il se passe quelque chose. Mais ils passent encore 3 mois à prendre des photos. Comment ils ont pu en savoir autant sur nous en si peu de temps? Ils venaient juste d'ouvrir, putain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un addict, qu'il y a un addict, qu'il y a un addict. Tu veux me tester, fais la queue. Rejoins les autres en salle d'attente des jactés. Je m'en tape comme les lettres écoplies. Moi je suis pas là pour m'accoupler. Cherche pas de pote, à moi tout seul je suis complet. 10e mesure, dernier couplet. Vers le sol j'incline mon gobelet. Et je laisse quelques gouttes ou peut-être larmes tomber. Maintenant je le sais, les gens viennent par mon premier. Au lieu de le chanter, je devrais peut-être aller prier. Ma force est de connaître ma faiblesse. C'est pour les leaders, vrai même quand les faiblesses. Visionnaire, visionnaire, pas démissionnaire. Garde en vie son air, solitaire, mais en solitaire. C'est pour les petits frères, les grands frères qui portent les courses, la daronne quand revient de Lidl. Rap de missionnaire, visionnaire, pas démissionnaire. Dans le vie son air, solitaire, mais en solitaire. C'est pour les petites sœurs, les grandes sœurs qui ont la valeur des choses et deviennent des modèles. Rap de missionnaire, visionnaire, pas démissionnaire. Garde en vie son air, solitaire, mais en solitaire. C'est pour les petits frères, les grands frères qui portent les courses, la daronne quand revient de Lidl. Rap de missionnaire, visionnaire, pas démissionnaire. Dans le vie son air, solidaire, mais en solitaire. C'est pour les petites sœurs, les grandes sœurs qui ont la valeur des choses et deviennent des modèles.